9 2, compréhension auditive. Phase 1, regardez les images et répétez les phrases que vous entendez. 1. Il fait sportif. 2. Il n'est pas de bonne humeur. 3. Elle a le visage rond. 4. Il a les dents pointues. 5. Elles sont sportives. 6. Il a le nez pointu et le menton pointu. 2. Regardez les images 1 à 6. Vous allez entendre des phrases identifiées par les lettres A à F. Chaque phrase correspond à une image. Écrivez la lettre de la phrase que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Ils sont sportifs. B. Il a le nez pointu et le menton pointu. C. Elles sont sportives. D. Elle a le visage rond. E. Il n'est pas de bonne humeur. F. Il a les dents pointues.